On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, que je vous fais chier, mais c'est vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm gonna go and I'm gonna go. On the rocks. Wow. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Eh oui, j'ai une épêche, les gars, yaou, houhou, ha ha ha. Eh oui, nous sommes lundi soir, c'est en direct, c'est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est Manu, j'ai le plaisir de vous retrouver, quel bonheur de vous retrouver à nouveau. 19h, 20h30, oui, puisque confinement, tout ça, couvre-feu, pas confinement, on s'y perd, en tout cas c'est du rock'n'roll, ça dure 1h30, 19h, 20h30, sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur ZEF en rediffusion, sur ontherocks.net en direct, enfin, partout où vous voulez, dans votre baignoire, coincé dans votre cheminée, où vous voulez. 1h30 de douceur et de rock'n'roll pour vous ce soir avec un coup de cœur pour commencer qui me tient à cœur. C'est normal, c'est un coup de cœur. Iggy Pig Feet! I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Voilà un groupe que j'attendais depuis un moment. Alors sans l'attendre, en tout cas j'attendais des nouvelles d'Adam Wood. Et oui, Adam Wood, souvenez-vous, ce jeune et fringant musicien hyper talentueux qui était venu dans les studios d'On The Rocks, qu'on avait vu en concert plusieurs fois. Et bien il sort un nouveau collectif qui s'appelle Blessings. Un gars pétri de talent, vraiment je le suis et je l'idolâtre depuis pas mal de temps. Blessings arrive donc, ce sont des morceaux... Alors je vais couper longtemps parce qu'il démarre déjà le morceau d'Adam Wood. Il est bien pressé, alors je cause encore un petit peu. Donc voilà. Un collectif qui se veut un peu moins folk et peut-être un peu moins rock'n'roll que ce qu'il faisait auparavant sous le nom d'Adam Wood. En tout cas, il revient donc avec ce groupe qui est très psychédélique. Voilà, ça donne envie de s'envoler dans des fumées violettes. Beaucoup d'orgues qui vont bien. Toujours évidemment la sensibilité dans l'écriture d'Adam Wood qui est à la guitare, aux compositions. On retrouve du beau monde dans ce collectif qui s'appelle Blessings. Il y a Morgan Imbeau qui faisait partie de Cocoon il y a un temps. Cocoon qu'on a reçu dans The Rocks. Et puis il y a aussi des musiciens de Ashburns, un groupe qu'on suit aussi de très près, qu'on a reçu également dans The Rocks. Et donc voici donc cette nouveauté Blessings, l'album, le EP pardon, n'arrive que je crois le 11 juin. Mais voici un petit avant-goût en exclusivité pour The Rocks avec le morceau qui s'appelle Contract qui ferme le EP et qui peut-être ressemble le plus à ce que faisait Jérémy alias Adam Wood lors de sa précédente vie artistique. Voilà un gros coup de cœur. Avec des synthés qui vont bien, limite progressif des fois, et très très psychédélique. Bienvenue dans le cosmos. Voici le coup de cœur de ce soir dans The Rock. Ça s'appelle Blessings et le morceau c'est Contract. Rock and roll. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Woo! baby. Wow! We'll be right back. monde. Pour commencer On The Rock ce soir, d'abord il y a eu le nouveau projet d'Adam Wood avec Blessings, tiré de son EP qu'il ne va pas tarder à sortir, bientôt peut-être. Adam Wood a ses micros dans On The Rock, en tout cas je vais essayer de le choper là où il passe, parce que vraiment du talent comme ça, il faut le choper. Et puis à l'instant c'était encore quelqu'un qui m'avait fait la joie de m'accorder une bien belle interview avec un morceau live, c'était Peter Van Paul qui revient, le plus suédois des Français. D'ailleurs quelques mois après l'interview, je l'avais croisé dans un musée à Stockholm, c'était assez drôle, on était tombé nez à nez. Behind the Hate Ball, c'est tiré de son dernier album qui vient d'arriver et qui arrive là maintenant tout de suite, avec des bien jolies chaussures sur la pochette. Donc Peter Van Paul disait qu'il avait parfois reçu les arrangements de cordes pour un morceau et que les arrangements de cordes étaient tellement bien mais n'allaient tellement pas avec le morceau qu'il a gardé juste les arrangements de cordes et qu'il a tout changé autour. Voilà, ce genre de talent assez incroyable. Voilà un groupe que je suis aussi comme Adam Wood depuis pas mal de temps, mais eux je n'ai jamais eu l'occasion de les côtoyer, de les croiser ou de leur tendre le micro. J'espère que ce sera chose faite un de ces jours. Il s'appelle Woods. Tiens, Adam Wood, Woods. On est en famille, en tout cas on est en famille un peu musicale, surtout avec ce que faisait Adam avant. Voici donc un extrait de leur dernier album, des très prolifiques Woods. Ça s'appelle Waiting Around for a New Me. Et voilà, c'est une voix comme celle d'Adam Wood et ou de Peter Van Paul d'ailleurs, qu'on reconnaît immédiatement. Un gros gros coup de cœur pour ce groupe depuis quelques années. Si vous ne les connaissez pas, foncez dessus. Woods avec Waiting Around for a New Me. C'est une nouveauté, vous êtes dans The Rocks. Your teeth on somebody's tongue, 6 feet beneath, but you're taking too long. des nouveautés à ne plus savoir qu'en faire dans The Rock ce soir. D'abord, il y a eu Woods avec Waiting Around for a New Me. Et puis, à l'instant, c'était Paul and the Tall Trees, associé à Adrian Quesada, compositeur de musique de film avec Don't Stay Silent. Allez, voici un des morceaux les plus euphorisants de la semaine, à mon avis. Une nouveauté vraiment qui donne envie de croquer l'été à pleines dents, ça tombe bien, et de tourner son volant du côté de Mexico, pourquoi pas. Le groupe qu'on va se passer maintenant, c'est une nouveauté, enfin c'est un artiste en tout cas qui s'appelle Giant and the Georges, et le morceau c'est Mexico, et normalement vous devriez un petit peu gambader sur ce morceau. Feeling delirious, antibiotics. nights at the rustics. She's just a little narcotic. Encore une nouveauté dans The Rocks à l'instant. Grosse guitare, toute vent, toute corde dehors. Pardon, c'était The Raytons avec Antibiotics. Et juste avant, c'était Giant and the George et ses cuivres maléfiques avec Mexico. Allez, voici un groupe qui annonce une tournée au mois d'août. Et voilà, quand les groupes commencent à annoncer à nouveau des tournées au mois d'août, ça fait plaisir, ça fait du bien. Il s'appelle Children Collide. Alors, je suis pas sûr que ce soit le même groupe qui existait en Australie du côté de Melbourne. En tout cas, eux, ils reviennent avec ce morceau qui s'appelle Her Ho. Vous allez dire, ça me fait un petit peu quand même penser à quelque chose. Moi aussi, ça me fait aussi un petit peu penser à quelque chose. On va voir si on pense à la même chose. En tout cas, ils le font très bien, même si, manifestement, ils n'ont pas inventé la poudre. Tripping on the guilt of a father, weeping liquid on a crystal ball. Taking their time right behind. comme un air de ressemblance. D'abord, dans The Rocks, vous avez pu entendre Children Collide. C'était une nouveauté avec Ho. Et puis, à l'instant, c'était un petit souvenir avec Ben, l'oncle Soul, et cette reprise du Seven Nation Army des White Stripes. C'est vrai que Children Collide, ça ressemblait quand même un petit peu au Seven Nation Army des White Stripes, mais il le faisait quand même très très bien. Voilà quelqu'un et un groupe qui fait une musique mieux que personne en ce moment, c'est le blues. Alors, loin des clichés et loin des mis au musée du blues dans ce qu'ils ont de plus respectable, eh bien eux reviennent à l'essence du blues, c'est-à-dire des musiciens dans une même pièce qui se font plaisir. The Black Keys viennent de sortir un album de reprise qui est magistral, de morceaux qui ont été popularisés à leur époque par des pointures comme Johnny Hooker. Voici leur version de Going Down South. Tout l'album est vraiment, vraiment génial. Des Black Keys, je vous le conseille. C'est l'album idéal pour rentrer dans ces chaudes journées. Voilà, ils ont arrêté de se prendre un petit peu le chou avec des grosses productions. Le péché mignon de Dan Auerbach. Et ils reviennent donc aux racines de ce qui les a motivés au départ. Going Down South, c'est une nouveauté. Et quelle nouveauté ? Voici les Black Keys. The man had his raincoat's collar up. Like an old spy movie, on this day a cold, cold rain fell over the sea. His eyes far away, the boat that will bring his son back, back to him. The woman kept a warm flower crown under a coat too big for her. She's walking slowly, slowly. la perfection, non? L'art du crescendo. C'était le deuxième extrait que je vous propose du EP de Fall qui vient de sortir. Le morceau, c'était Photographe. Et voilà, ça m'enchante, ça me fait un petit peu la même sensation que lorsque j'avais découvert le groupe Venus, qui venait eux aussi de Belgique, que ce EP de Fall. Vraiment, je vous le conseille. Nous allons suivre ça de très très près. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur scène. Et puis, peut-être un de ces jours, une interview de Pierre Kissling, le leader de ce groupe. Vraiment, vraiment, enfin de voilà, c'est un projet qui s'appelle Fall. Photographe, donc plongé, il n'y a pas beaucoup de morceaux pour l'instant disponibles, mais alors ils sont tous très très bien. Et puis juste avant, c'était un chef-d'œuvre tiré d'un chef-d'œuvre. C'était une version du morceau de R.L. Burnside qui s'appelait Going Down South, tiré du dernier fantastique album des Black Keys, comme quoi la simplicité parfois, ça a du bon. Avec Fall, on était en Belgique, on y reste avec un morceau qui nous donne un peu envie de ululer à la pleine lune. Ça arrive. Voici donc un extrait du dernier disque d'un artiste qui s'appelle Chris Dane, et le morceau c'est Palooza. Father, what have we done? I never thought you'd carry on with it. The undertakers and the body bag beside the bed. The words we spoke. Things we said. I'm walking out of your doorway, and the whole wide world comes tumbling down. Can you feel my heart beating? Come a long way, never back down. Softly, brother, shorelines are closing in. A far rage within. Come a long way, never back down. So blind. her, woke up from where she was, lying still, said, I gotta do something about where we're going. Step on a steam train, step out of the driving rain, maybe run from the darkness in the night. Singing a la la la de day, a la la la de day, a la la de day. In my mouth, I see seven towers, but I only see one way out. You gotta cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream. Then I floated out of here, singing a la la la de day, a la la la de day, a la la. Me. Vous rappeler des petits souvenirs si vous avez tendu l'oreille. Bien sûr, il y a la voix de la chanteuse Laurie Evans qui est en avant, mais ce n'est pas un album de Laurie Evans toute seule, cette galloise, chanteuse galloise, et elle est en duo sur cet album avec quelqu'un qu'on a souvent diffusé depuis les 28 ans, Don The Rocks, oui, 28 ans. C'est Tom McRae, puisque l'album s'appelle Evans McRae. Il y a une belle interview de Tom McRae que vous pouvez retrouver sur le site ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Eh bien, ils reviennent en duo avec cet album. On retrouve quand même la patte de Tom McRae avec ses petits crescendo en dentelle. C'était le morceau Only Skin. Juste avant, c'était évidemment, vous aviez reconnu U2 avec peut-être un de leurs meilleurs morceaux, Running to Stand Still, tiré de leur meilleur album, le Joshua Tree. C'était à l'époque où U2 faisait de la bonne musique et de la musique inspirée. C'était un remix à l'instant qui figurait sur la version collector du coffret Joshua Tree pour l'anniversaire de cet album, avec un petit remix de leur vieux complice Daniel Lanois, le Canadien. Et puis juste avant, c'était Chris Dane avec Palooza. Allez, on quitte le Pays de Galles, on quitte l'Angleterre de Tom McRae pour aller rejoindre le Canada à nouveau, avec cette fois Montréal, et un groupe que j'avais eu la chance d'interviewer également, qui reviennent avec un nouveau morceau, très court, très concis, mais vraiment magnifique. Ils vont de plus en plus vers les purs et ça leur va très bien. Voici donc Half Moon Run dans The Rocks avec How Come My Body. How recognize your face. So I got there early, found the parking space, and sat in my car like I was casing the place. I thought it's not too late, I could cut you loose. I could go home now, offer some excuse. And then the door opened, and there was no mistaking you. I said, come in, take your shoes off and come in. For the drinks exchange prerequisites, I'm good, you said, but the world is shit. So what, we're on that now, then I laugh. No, you're right, it is. This time, well, it really is. Yeah, we let it get away, you said, like the falcon from the poem you read. I just shook my head, feels like waiting around for the second coming. Except nobody's coming. And the talk turned over to life before, to the kindness of strangers in the kitchen floors. How the pain grows sweet and the blood flies burn orange. The green rooms and the tortilla chips, all the couches caked in ejaculate. How I cringe when you said at least someone is getting it. Come in. At the same time, coming. And the drinks grew low and your eyes grew dim, like a curtain whose pores don't know like it's in. You said I'm fine alone, but it's good to see you, man. I feel cut off from all I've been, but am I the stump or am I the limb? I was eyeing the door and you noticed it. I said I have to be running, play for dinner or something. And you thanked me for coming. And the next I saw you was a hospital bed with a gunshot wound. Maybe, maybe the opposite. And I was awkward and you were a wreck. You were muttering something underneath your breath. And then I lost my cool, called you an idiot. And you said I was such a hypocrite. Someone had to die before I gave you shit. I said you're right, but still, if I'm in it, you're in it. And the tears started coming. Des grands, grands coups de cœur et un des grands chocs musicaux de cette semaine pour moi, c'était cet extrait du dernier album de Typhoon, ce groupe américain. C'était Where in It, on parlait de crescendo tout à l'heure dans On the Rocks, ça s'en est un et un beau. Et juste avant, c'était Half Moon Run, en tout en demi-teinte avec How Come My Body. Allez, on va aller du côté des filles maintenant, et des filles qui ne s'en laissent pas compter, et qui sont un petit peu plus énervées que ces messieurs qui l'a été assez fleur bleue ce soir. Voici un extrait du dernier disque du groupe Hyder, et le morceau c'est Bored. The way you What if they talk all about you? Bored of your day job, bored of your evening, bored of the shit you chat when you're steaming, bored of the lies and I'm bored of the fighting, bored of the way you speak, yeah. Bored of the gaslighting, the truth you're hiding, I'm bored of the lunch you eat, bored of the clothes and I'm bored of the music, I'm bored of my phone and the way that I use it, I'm bored of the show and I'm bored of the telling, bored of the lies we're selling, I'm bored of the impatient perfectionism, I'm bored of only wanting the things that I'm missing, I'm bored of the scrolling, I'm bored of the choosing, bored of the soul we're losing, choose to with me. I'm bored of your pose, yeah, I'm bored of the way, cause you stuff up your nose, yeah, I'm bored of your ego, I'm bored of your shame, bored of you forgetting my name, yeah, I'm bored of the way we think we know what we're saying, I'm bored of the way we think we're saving the planet, the world with our bank account savings, I'm bored of the ads and I'm bored of the craving, bored of the hyper normalization, I'm bored of the coffee I buy at the station, I'm bored of the apathy, bored of the nation, bored of never being patient, I'm bored of the boring train that you wear on your feet, yeah, I'm bored of the Saturday nights on the street, bored of pretending not to be weak, I'm bored of no one admitting defeat, won't you go with me, won't you go with me, I'm bored. Yeah, I'm bored. Bored of your life. telescope on the parts that I like. This could be a problem, but it's fine, 'cause you age like wine, and I still haven't aged to like wine. Avec le morceau Board, et à l'instant c'était The Teenage Joans, ce duo qui nous vient d'Australie, d'Adélaïde pour être plus précis, duo qui existe depuis 2018, deux filles qui ont vraiment le sens de l'énergie, de la mélodie et du bon vin, puisque le morceau s'appelait Wine à l'instant. Allez, voici encore un morceau qui, lui, on a l'impression que ça a été enregistré avec un micro-cravate plongé au fond de la cuvette des WC, mais en tout cas ça rappelle, voilà, quand on faisait du rock un peu entre copains et qu'on essayait de s'enregistrer, ça donnait à peu près ce son là mais là ça s'appelle The Super Weeks. Alors le son n'est pas terrible, mais en tout cas le morceau est bien rafraîchissant. Alone in Tokyo, c'est une nouveauté, c'est dans The Rocks. So high I thought that I could walk on air. avez bien sûr reconnu ce morceau Paris 1919. C'était évidemment un morceau tiré de l'album de John Cale, morceau le plus connu peut-être de John Cale en solo, repris à l'instant par les Armoires, The Armoires en français dans le texte. Et juste avant, c'était les Super Weeks avec Alone in Tokyo. Voilà, l'émission On the Rocks va bientôt toucher à sa fin. Je vous concocte une petite émission avec Sylvain Trémaud des Sokoï Fever qui reviendra à ses micros, je l'espère, sous peu pour faire une petite émission spéciale. Le thème en sera, eh ben, je vous le dirai lorsqu'il sera là. Peut-être aussi une émission à venir avec David Bost. On l'a évoqué, le grand Manitou de Sound Burns Out. En tout cas, On the Rock, ça reprend tous les lundis de 19h à 20h30 jusqu'à cet été pour quelques semaines. Et ensuite, il y aura une pause estivale et on reprendra dans des conditions bien plus sereines, j'espère, pour la rentrée de septembre. Voici une nouveauté avec Charlart, 58, Cédric Miton. Alors là, vous allez me dire, je vois pas bien. Et mais ils sont associés à Manu Chao et c'est le retour de Manu Chao sur ce morceau. Ça s'appelle Free the People. Là aussi, ça me rappelle quelque chose. Et puisque ça me rappelle quelque chose, eh bien, on se passera le quelque chose que ça me rappelle juste après. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis rendez-vous sur ontherocks.net quand vous voulez pour la réécoute de cette émission sur Zef à Blois en rediffusion et puis en direct la semaine prochaine à ce même micro. 96.2 Radio Arc-en-Ciel. 19h, 20h30. Merci à vous pour votre fidélité ce soir. Morceau suivant, je le dédie à l'abeille qui va sûrement un petit peu virevolter de joie. Live on direct. Captivity. So many mountains to climb. Oh, so many rivers to cross. Oh, we got to make another pass for the generation. Oh, and so the struggles continue. We face it day by day. Live on direct. Something new, and it's breaking my heart, you're leaving.